Les pros du boulot sur Fadjet. Bonjour, c'est les pros du boulot, vous accueille sur Radio Fadjet. Aujourd'hui, nous allons parler des soft skills. Nous allons vous proposer un témoignage de Naïma, manager, qui va nous parler de sa carrière. Et nous aurons aussi des éclairages de Kevin, qui est psychologue du travail et recruteur. Il va nous parler de l'importance des soft skills dans un entretien d'embauche. Alors, avant de commencer, justement, de quoi on parle quand on dit soft skills? Alors, c'est un concept flou, il n'y a pas de définition précise. Mais c'est des compétences qui sont moins techniques et plus, entre guillemets, transversales que les hard skills, donc les compétences techniques. On peut aussi dire compétences humaines, qualités relationnelles, savoirs comportementaux. Alors il y a deux choses qui sont importantes à retenir, c'est qu'une soft skills, ça s'acquiert. Autrement dit, une soft skills, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on peut développer tout au long de notre vie professionnelle. Et Zora va nous parler un peu plus en détail, va nous donner quelques exemples. Donc par exemple, les soft skills, ça peut être la connaissance de soi. Donc tout ce qui est gestion du stress, gestion de ses émotions, la relation aux autres, comment on s'intègre dans une équipe, comment on réagit par rapport aux autres. Ça peut être l'ouverture d'esprit, l'autonomie, le leadership. Elles sont très importantes et plus que jamais aujourd'hui, car le monde du travail évolue. Par exemple, on est dans un monde de service, donc il faut savoir communiquer, se comporter, quels que soient les métiers. Les organigrammes sont plus aplatis, c'est-à-dire qu'il y a moins de hiérarchie. Donc, les tâches sont plus complexes. On a besoin de plus d'autonomie. Et puis, l'arrivée du digital nous demande une certaine agilité, de la flexibilité. Donc, toutes ces compétences sont des compétences comportementales, dénommées « soft skills ». Celles qui sont les plus appréciées au sein des organisations sont l'adaptabilité, l'agilité, l'esprit d'équipe, la rigueur, l'empathie par exemple. Alors pourquoi c'est important de parler soft skills? Alors un sondage récent de Monster dit que 97% des recruteurs tiennent compte des soft skills dans leur démarche de ressources humaines. Et puis 52% des recruteurs font des soft skills, même un critère déterminant à l'embauche. Nous allons maintenant parler avec Naïma pour illustrer comment les soft skills peuvent impacter votre carrière. Alors Naïma, bonjour. Pourrais-tu nous parler un peu du début de ta carrière? Alors le début de ma carrière a été un peu improvisé, entre guillemets, puisque j'ai profité de l'occasion d'un job étudiant pour commencer ma carrière. Je faisais un travail étudiant et on m'a proposé assez rapidement de prendre des responsabilités, de devenir manager. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Je travaillais dans un service client, pour le service client d'un opérateur téléphonique. Et du coup, je travaillais les matins pour me permettre de faire mes études l'après-midi. Tu as rapidement progressé, tu es devenu manager. Comment ça s'est passé? Pourrais-tu nous en parler un peu plus? En fait, j'ai commencé, alors ça a été très rapide, j'ai commencé au mois de février dans cette entreprise, voyant que je m'adaptais bien et que je comprenais bien les choses. Au mois d'avril, on m'a proposé d'être collaborateur expérimenté, c'est-à-dire de pouvoir aider mes collègues qui étaient un peu en difficulté. Et au mois de juin, on m'a proposé un poste de manager. Et bien, en fait, je me suis construite professionnellement dans ce centre d'appel, bien qu'au départ, ce ne soit pas du tout... j'aurais jamais imaginé travailler dans cette branche d'activité. Mais effectivement, au gré des années, j'y suis restée 8 ans et demi. J'ai évolué, donc j'ai été responsable d'équipe et après responsable d'un département. Quels sont, selon toi, les facteurs qui t'ont aidé à progresser dans l'entreprise? Alors, je pense qu'il y a deux facteurs qui m'ont aidé à progresser. C'est tout d'abord le travail, beaucoup de travail. S'investir dans l'entreprise, c'est important. Il y a une chose très importante qui s'est confirmée pendant toute ma carrière, ce sont les rencontres professionnelles. On peut, voilà, à un moment donné, avoir ce que moi j'appelle des belles rencontres professionnelles, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un qui croit en toi, qui croit en vous, et qui, voilà, qui investit sur le potentiel qu'il imagine, et en général, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et en termes de caractéristiques plus personnelles qui t'ont aidé à avancer? Alors, je pense que j'avais un leadership qui était assez marqué. Non, je pense que j'ai des prédispositions pour le management, en tout cas pour la conduite d'équipe, ça c'est sûr. Après, il y a beaucoup d'apprentissage et on apprend aussi de ses erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé après dans ta carrière? Alors ensuite, j'ai souhaité prendre un peu de recul avec le management et essayer une autre expérience. J'ai travaillé comme chef de projet dans une entreprise qui était aussi dans le service client, mais j'étais en fait l'interface entre le client et la production. Mais j'y suis restée assez peu de temps parce que je me suis rendu compte que le management me manquait et en fait, c'est ce que j'aime faire. Je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre mon expérience professionnelle, en tout cas ce que j'étais professionnellement, et mon niveau d'études initiales. Je me suis donc orientée vers un master en administration des entreprises qui me permettait d'avoir un niveau d'études qui était plus en phase avec mon expérience professionnelle. Ça a été permis par une validation des acquis professionnels, c'est-à-dire que moi j'avais un niveau licence et par le biais de cette validation, m'a validé la licence, la maîtrise et je suis rentrée directement en master 2. Du coup, tu as avancé sans avoir forcément le bon diplôme. Ça nous montre que, enfin, il faut parfois relativiser peut-être l'importance d'un diplôme. Est-ce que le fait de, si tu avais eu un diplôme, est-ce que ça aurait été important pour toi ? Il ne l'a pas été pendant la première partie de ma carrière. Il l'aurait été, je pense, à un moment donné. Et en plus, par le biais de mon stage de fin d'études de master, je suis rentrée dans l'entreprise dans laquelle je suis toujours. Alors, dans cette nouvelle entreprise, j'ai effectivement eu différentes activités. Donc, j'ai été manager de manager. J'ai à nouveau eu une petite phase où j'ai souhaité me mettre en retrait du management. Management, c'est quand même très, très exigeant. Une fois encore, ça n'a pas duré très longtemps et je suis revenu dans le management assez. Du coup, pour avancer dans ta carrière, on voit que tu as saisi plein d'opportunités pour avancer dans l'entreprise, opportunités de se former. Quelles sont tes astuces pour saisir une opportunité ? Pour saisir les opportunités, il faut être adaptable, c'est-à-dire pouvoir sortir des jalons ou des idées reçues qu'on s'était fixées. Il faut savoir être à l'écoute à la fois de ses pairs, de ses managers, de ce qu'ils disent, parfois des RH qui peuvent donner des conseils. Il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est parfois confortable de rester dans un poste qu'on connaît, qu'on maîtrise. Parfois, d'oser se mettre en danger, ça peut permettre de commencer une aventure qui peut être passionnante. Alors, parlons maintenant de ton métier de manager. Quels sont les soft skills qui sont importants pour être un bon manager ? Alors, ce qui est important pour faire du management, c'est tout d'abord l'écoute. Savoir écouter, ça c'est très important parce que quand on fait du management, on gère d'abord de l'humain. Et pour aider l'humain à se développer et à monter en compétences, il faut savoir l'écouter, savoir quelles sont ses priorités, savoir le définir, savoir à quoi il réagit. Il y a des collaborateurs qui vont réagir beaucoup à l'écrit. Donc dans ce cas-là, il faudra leur écrire les choses pour qu'ils les comprennent. D'autres sont plus auditifs et d'autres sont plus cognitifs. Donc ça, c'est très important. De connaître ses collaborateurs pour les aider à évoluer. Ensuite, je pense que ce qui est important, c'est aussi l'adaptabilité au changement parce que, comme j'ai dit précédemment, on gère de l'humain et du coup, il ne faut pas être trop rigide sur ses positions. Il faut être pour être adaptable à la fois à la situation de travail et à la fois aux collaborateurs. Enfin, pour que les collaborateurs soient en sécurité, il faut être organisé parce qu'ils ont besoin d'un cadre qui soit clair. Le leadership, c'est aussi savoir leur montrer le chemin et savoir leur expliquer où on veut aller et comment on va y aller. Et pour ça, il faut être très rigoureux, très organisé et très clair avec eux. Merci Naïma d'avoir répondu à nos questions sur les soft skills et de nous avoir un petit peu donné des indications sur ta carrière. Effectivement, les compétences comportementales sont très importantes et peuvent être la clé par rapport à d'autres compétences qui sont plus techniques. Hein. Bien sûr, Naïma a commencé sa carrière pas forcément avec le bon diplôme, mais elle a pu, grâce à ses soft skills, se former par la suite pour avoir la carrière qu'elle a aujourd'hui. Donc on la remercie. Les pros du boulot, on va s'arrêter pour une pause musicale. Ce sera Benabar avec Le Dîner. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. D'humeur, tout me déprime, et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. Vous écoutez les Pros du Boulot sur Radio Fadjet avec Zora et Thomas. Aujourd'hui, nous parlons des soft skills et de leur importance pour évoluer dans sa carrière. Alors, je vais me tourner vers toi, Zora, pour illustrer quelque chose d'intéressant. C'est vrai que quand on est jeune diplômé, surtout, les soft skills jouent un rôle important pour quand on cherche le travail, quand on cherche à s'insérer. Je sais que ton parcours aussi a été intéressant de ce point de vue-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui Thomas, merci. Alors effectivement, quand on est jeune diplômé, par définition, on a très peu d'expérience, quelques stages approximatifs, mais effectivement, pour obtenir son premier emploi, c'est vraiment quelque chose de déterminant. Moi par exemple, j'avais 25 ans, je venais de sortir de mes études de psychologie, et on m'a confié la responsabilité d'un centre de bilan de compétences. Donc bien sûr, on m'a pas recruté ni sur mes compétences en bilan de compétences, ni sur mes compétences en management, mais plutôt sur le potentiel qu'on a vu en moi, c'est-à-dire le potentiel en management et le potentiel au niveau technique par rapport à ma pratique de psychologue du travail. Donc je pense que pour les jeunes diplômés, c'est important de miser sur sa personnalité et les compétences comportementales. Excellent. Et pour conclure l'émission, nous allons maintenant écouter Kevin, qui est psychologue de travail, qui est recruteur et qui va nous parler de sa vision des choses et comment eux, ils travaillent avec les soft skills pendant le processus du recrutement. Donc pour moi, les soft skills, travaillant dans le recrutement, je considère que par rapport à certains métiers, les soft skills sont vraiment très très importantes. Quand on est sur des métiers d'ingénierie, par exemple, on s'intéressera plus aux capacités d'apprentissage, aux capacités de compréhension. Mais sur des métiers où justement le relationnel joue un très grand rôle, celles-ci, elles sont très très importantes, notamment dans le recrutement. Ce qu'on va voir tout de suite, c'est déjà la personnalité de la personne. Est-ce qu'elle a une capacité à communiquer quand même, parce que c'est très très important. Après, ça va être comprendre les rapports sociaux. Moi, je trouve que c'est super important. Comment on doit arriver, comment on doit se présenter. Tout ça, ça, pour moi, ça joue sur 70% du recrutement, quoi. Dans les soft skills, il y a tout ce qui est non-verbal. Du coup, donc l'habillement, la tenue, comment on se tient. Et l'entretien, pour moi, par exemple, qui fait du recrutement, il commence dans la salle d'attente. Et ça, quand on le sait, on adapte son comportement et là, on gagne des points sur un recrutement. Les compétences sociales qu'on peut avoir, c'est-à-dire la capacité des relations sociales. Réussir à s'intégrer dans un groupe, comprendre tout ce qui peut se passer dans les interactions qui peuvent se passer dans un groupe, savoir évaluer la personne qui est devant toi, se dire cette personne-là, il faut que j'adapte mon comportement à elle-même par rapport à ce qu'elle est. C'est pas de la manipulation, c'est de l'influence. Et dans l'influence, on peut réussir à se faire aimer, entre guillemets. On peut rester ce qu'on est, bien entendu, mais après, en comprenant les rapports sociaux, on peut gagner des points, en fait, dans le monde du travail. Merci Kevin pour ces explications. C'est vrai que les soft skills sont très importants. Alors, petite activité, vous pouvez, pour mesurer un petit peu la connaissance de soi, vous pouvez essayer de poser sur le papier les compétences comportementales que vous pensez avoir et puis demander à votre entourage, alors un entourage objectif, et essayer de comparer. Et vous verrez que parfois, il y a des petites différences et c'est intéressant de le noter. Pour résumer, les soft skills sont des compétences comportementales qu'on peut acquérir par la formation, par l'expérience, et puis qui sont utiles pour, surtout pour le recrutement, mais aussi pour évoluer dans sa carrière, comme nous l'a dit Naïma. Voilà, les produits du boulot, c'est tous les lundis à 12h30 avec Zora et Thomas.